théâtre sur Fadjet avec Julia et Rodolphe. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à notre émission Coup de théâtre, une émission que je co-anime moi-même Julia avec Rodolphe. Salut Rodolphe. Salut Julia, ça va ? Ouais, super. C'est une émission où nous sommes tous les deux animateurs. Mais nous accueillons également un comédien, une comédienne de la scène nancéienne. Et ce mois-ci, c'est... Sabine ! Salut Sabine. Salut Rodolphe, salut Julia. Tu vas bien ? Bah ça va, et vous ? Super, on est content de t'accueillir. Merci, moi je suis trop contente d'être là. Moi je suis méga fan en plus. Je dis ça à tous les invités. Mais c'est non, vrai, elle dit ça à tous les invités. Ah super. Je suis très très fan. Bah ravi que tu sois là et on commence tout de suite avec le portrait de l'invité. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Alors, pour mieux te connaître, je vais faire un portrait chinois. Enfin, je vais te proposer des mots et tu vas me dire ce que tu serais si tu étais ces choses-là. Tu as compris ? Ouais. Moi, j'ai pas compris ce que j'ai dit, donc merci d'avoir compris ce que j'ai dit. Merci de rien. Sabine, si tu étais un lieu, que serais-tu ? Un lieu, une chambre pour dormir. Ah, tu dors beaucoup ? Ouais. Voilà. 15 heures par jour. Combien d'heures si tu peux ? Non, ça dépend parce que j'ai un boulot avec des horaires un peu décalés. Donc il y a des fois où je dors pas beaucoup et il y a des fois vraiment si je mets pas de réveil, je fais la boucle. Ah oui. Ne comptez pas sur moi. 12 heures ? Non. Ouais, ou un plus gros. Ouais, ah ouais, un gros 12 heures. Ouais, un gros 12 heures. Ok. Si tu étais le défaut que tu détestes avoir ? Je râle tout le temps. J'ai toujours la bouche ouverte pour... Je râle en fait. D'accord, et tu vas râler après nous là, ou... Bah c'est certain. Attendez-vous parce que c'est quand même déjà... On te laissera une minute à la fin. Super, c'est super, ouais, merci. Il ouais, faut pas oublier. Qu'une minute du coup, c'est un peu chiant là. Hein, oui, une minute. C'est nous les chiens. Une minute, c'est long. Hein. C'est nous qu'on décide. Ouais, quand on râle, c'est pas long. Si tu étais un ou une méchante de fiction ou dans la réalité ? Bah dans la réalité, c'est moi, hein, on va pas se leurrer. De fiction. Dark Sabine. Le Dark Sabine. J'aime bien la. Bah, j'ai même pas comment. Ursula dans La Petite Sirène. Ah oui. La Dame Poulpe, j'aime bien. Elle fait comme quoi comme dégâts ? Elle est juste méchante elle est verbalement méchante, oui. Elle fait... Ah ok. Ouais. Elle a des super pouvoirs ? Non, je crois pas. Ok. Bon, non, je sais pas. Ce n'est pas une émission sur Disney de toute façon, donc c'est pas très grave. Ok. Si tu étais un plat ou une boisson. Oh, une boisson, un Moscow Mule. Oula, ouais. Qu'est-ce que donc ça eh ben, c'est un petit cocktail, et là j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, avec du ginger beer et de la vodka. Oh, je suis vachement à jour. Voilà, donc ça j'aime bien. Et si je devais être un plat, des lasagnes, réconfortant. Voilà. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Si tu étais un spectacle que tu as vu ou auquel tu as participé, spectacle, c'est quoi ? Le spectacle que j'ai vu, c'est Fabrice Eboué. En vrai, son dernier spectacle, je l'adore. T'es la deuxième personne qui m'en parle cette semaine en me disant que c'était incroyable. Ouais. Bah, j'ai repris des places, là, j'y retourne en mars à Metz. Pour vraiment, revoir le même, ouais. Le même, ah, ouais. Okay. Ah, t'es du genre à revoir le même ah, truc ? Ah oui, bah, je l'ai vraiment beaucoup aimé, ouais. Ah ouais, okay. À ce point-là, ouais, c'est cool. Ah, ouais. Si tu étais un gros mot ? Putain. Ouais, tu le dis tout le temps. Tout le temps. Bah, elle râle. Ça va avec. Hein. Ah, même pas dans ton travail. Non, je peux pas. Faut quand même que je me tienne. Nous diras après ce que tu fais. Tu nous diras après ce que tu fais. Si tu étais la qualité que tu rêverais d'avoir. La qualité que je rêverais d'avoir, être drôle. Ouais, drôle. Oui. Ouais, oui. Je suis vache. La bienveillance, c'est la valeur principale de cette émission. Oui. Eh ben, écoutez, je suis vraiment ravie d'être là. Non, une qualité, j'aimerais être patiente. Ah, tu l'es pas ? Ah non. C'est pour ça que t'es râleuse. Ouais. Et que tu dis putain tout le temps. Ah oui, ça va pas assez vite. Ouais, comme ça, tu rien, ouais. C'est plutôt logique tout ça. Si tu étais un moment de la vie ou de la journée ou un moment. À un moment, un beau coucher de soleil. Oh. Ouais. Ah ouais. Ouais. Comme t'aimes bien dormir. Elle est romantique. Ouais. Et puis comme j'aime bien dormir. Non, puis tu sais, la lumière qui passe sur les paysages, c'est beau. Voilà. Un peu de poésie. T'en as vu beaucoup ? Ouais. Le coucher... Ah ouais. Ouais. Je voyage et alors ? Ouais, voilà. Je vois parfois plusieurs dans la même journée. Je vois pas le problème. Je suis hôtesse de l'air. Si tu étais un mime. Un mime ? Ouais, un mime que t'aimes bien faire sur scène, que tu as aimé faire sur scène. Je sais pas si tu fais encore beaucoup de mimes. Non, mime non. Qu'est-ce que tu aimes bien mimer ? Pas plus que ça. Après imiter, enfin imiter, ouais, avec la voix. Alors, qu'est-ce que tu... Alors ça va être ça, une imitation que tu aimes bien faire. Je te demande pas de la faire. Ah, je fais très bien Donald Duck. Tiens, bah, vas-y. Quand même. Parfait. Ouais, il m'appelle quand il est enroué. Je reprends. Et tu fais rire des patientes avec ça tout le temps. Et en face, tu étais un comédien, une comédienne ou un improvisateur, une improvisatrice. Qui aimerais-tu être? À part Fabrice Eboué, évidemment. Ah bah oui, bah, mais sinon, je suis pas chaud, la même donc réponse. Ça marche pas. Jérémy Ferrari. Mm-hmm. J'avoue. Bah ouais. Voilà. En plus, pas mal. Beau gosse. Ouais, beau gosse. Ah oui, ça serait pour ça. Non, en vrai, enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui... qui est hyper impressionnant sur scène de par sa connaissance. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, énormément ouais, ses sujets et il est pointu, il est précis et je trouve ça hyper hyper impressionnant. Ça colle à l'actu à chaque fois, c'est très drôle. Merci. Du coup, on va prendre le temps, on va te laisser le temps de te présenter parce que on a oublié de le faire avant ce portrait chinois. Donc, est-ce que tu peux prendre une petite minute pour te présenter, dire ce que tu fais, qui tu es, pourquoi tu es là, des choses comme ça. Eh bien, moi, c'est Sabine. Je viens de fêter mes 36 ans, pardon. Voilà. Je suis sage-femme depuis 5 ans. C'est une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans des labos. Enfin, je faisais de la recherche. Et je suis ici parce que depuis quelques gros mois maintenant, je me suis mise au stand-up, pardon. Je vous ai rencontré par le biais de l'improvisation avec un prodisiaque. Et voilà, j'ai voulu voir un peu ce que je valais toute seule. Donc je me suis lancée dans le stand-up et me voilà avec vous aujourd'hui. Formidable. Et on est encore une fois, on est ravis. Tout à fait. Merci pour cette présentation. Souvenir. Ça fait peur, et en fait, pas du tout. J'aimerais que tu nous racontes un très bon souvenir de scène, un moment où tu t'es sentie vraiment au bon endroit, au beau moment. Bah, en vrai, le bon endroit au bon moment, c'est ma toute première scène au Close-Up. En décembre 2000... Ah oui, t'as commencé direct avec le close-up, toi. Ouais. Incroyable. J'ai remporté, d'ailleurs. Ah oui, une qualité que je dois avoir, la modestie. Ouais, l'humilité. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment un super souvenir. De par les rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer un peu, enfin au hasard, François Barthélémy, qui m'a donné l'occasion de jouer... au close-up et en vrai c'était fou, enfin c'était vraiment fou. Alors blindé de stress, mais de bon stress. Et enfin François, c'est vraiment une personne incroyable. Enfin, en tout cas, cette scène, même si c'était une première et même si c'était plein de stress, c'était hyper bienveillant, c'était hyper cool, c'était incroyable en vrai. Puis ça a bien marché, du coup, puisque quand ça marche bien, quand on gagne en général, c'est que les gens ont aimé, parce que c'est un vote du public. Oui. Et il n'y avait peut-être pas tant de monde que ça qui... Tu avais ramené... 120 personnes. Ah oui, 120 d'accord. Voilà pourquoi et on tu gagne. As eu, et tu as eu 97 voix. Donc. C'est ça, oui. Il oui, bah, y a des personnes que je ne côtoie plus depuis. Non, mais tu n'avais pas ramené, j'imagine, d'un tant de monde que ça. Donc, c'était vraiment une vraie victoire. Oui, oui. Bah, puis, je ne voulais pas qu'il y ait trop de monde, parce qu'il y a quand même ce côté de si je bide, je veux bider seul dans mon coin. Et pas que toute ma famille et tous mes amis soit au courant. Il y avait quand même le noyau fort, mais oui, non, j'avais pas rempli Pichon. Et t'as jamais retrouvé cette sensation-là de sur toutes les autres scènes que tu as faites depuis? Si, c'est surtout quand je présente des nouveaux textes. Ah, okay. Il y a toujours ce truc un peu de... Et après, je dis pas que les autres c'est facile et que c'est fait, hein, pas du tout. J'ai toujours un stress en montant sur scène, mais le nouveau sketch, il est un peu... il reprend un peu ça, quoi. Il reprend un peu la première fois. Donc, c'est sympa. C'est cool. Cool. Et moi, je vais te poser la question inverse. Alors, quel est ton pire souvenir sur scène? Le pire, pour moi, c'est de rencontrer des gens qui sont dans la compète. Parfois, enfin, il y a des scènes qui parce que c'est des concours, qui peuvent être des petits concours, et c'est vrai que cette niaque qui peut y avoir et cette malveillance parfois, je l'avais pas trop expérimenté, je l'ai expérimenté il y a quelques semaines là, et c'est ça vraiment pour moi le plus dérangeant. Je remets pas du tout en question ou je remets pas en cause ce que portent les gens, mais pour moi c'est vraiment venir jouer avec les copains, enfin rigoler, donc j'ai pas trop ce truc de concours, quoi. Donc c'est difficile pour moi de le vivre, mais voilà, c'est comme ça. Oui, j'imagine. Mais bah, c'est peut-être propre aussi au stand-up, au show comme ça, enfin, dans le sport aussi, mais dès qu'il y a le mot compétition, ou soit un titre, soit de l'argent à gagner, bah, les gens, ça les met dans un état second, quoi. Enfin, dans tous les cas, qu'on soit agréable ou pas agréable avec les autres personnes, on peut rien y faire. Autant, par rapport au résultat, autant dans ouais. des sports où on s'oppose l'un contre l'autre et où il peut y avoir des contacts, et ben, on peut avoir ce vice-là, en l'occurrence. Je vois pas l'intérêt. Ok. Merci beaucoup, Sabine. Ah, merci à vous. Nous allons écouter, nous allons faire une première pause musicale, et ce sont tes propres choix. Je propose de mettre le premier extrait, et tu nous expliques ensuite pourquoi tu as fait ce choix-là. Ok. C'est parti. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. Théâtre sur Fadjet. Eh oui, était pas trop cool cette chanson, Stand By Me de Benny King. Je le fais bien. Quel accent hein. Oh, je sais. Et ben pour moi, c'est la musique de mon couple. C'était ma musique d'entrée au mariage. Oh. Et puis c'est une musique, oui, qu'on. Enfin voilà, c'est notre musique, donc elle me tient particulièrement à cœur. Je me dévoile pour vous. Elle est pleine de poésie, cette Sabine. Oh. Oui, alors elle a quand même dit que son gros mot préféré, c'était « putain ». Ouais, mais c'est un gros mot, ça peut jamais être très poétique, si. Non, c'est vrai, mais c'était une belle musique, putain. Bah ouais. Voilà, merci d'avoir tout combiné. Je t'aime, putain, je t'aime. Oh. Ouais. Très bien, allez, on passe à la suite. 3, 2, 1, impro. Comme tu le disais, tu nous as rencontrés à l'impro. Nous te proposons un petit jeu d'impro. C'est parti. Je te dis un mot et tu improvises dessus et on t'aidera si on sent que on a envie d'y aller. Okay. Pas pour t'aider, hein, juste parce que nous on a envie d'y aller. Okay. Je vais un peu t'aider, je vais dire épisiotomie. Ah, épisiotomie. Épisiotomie. C'est parti. Ouais, l'épisiotomie, c'est pour moi un grand voyage. C'est une région du monde dans laquelle je suis allée à plusieurs reprises, l'épisiotomie. C'est très très beau, très coupé entre deux flancs, vraiment. C'est quelque chose qui est assez impressionnant, qui parfois peut être douloureux. Hein ? Et douloureux à cause de quoi, madame ? Douloureux à cause de ce que ça peut entraîner. Parfois, c'est dur, et après, on peut avoir un peu de mal à s'asseoir. Hein ? D'accord. Ouais. Vous... On dirait d'accord. Une belle carte postale, madame. Je vais vous la prendre, moi, celle-là. C'est vrai. Oui. Ouais, écoutez, c'est assez incroyable. Vous n'êtes pas la première aujourd'hui à me la prendre. Ah. C'est vraiment... c'est une image de soi. C'est une image de son soi. C'est une image assez incroyable. C'est quelque chose qui revient, qui reste en tête beaucoup. Parce qu'une fois qu'on l'a eu, on s'en rappelle. Hein? Bah, je vais prendre ça, moi. Et bah, merci. Je vous la donne. Merci. Je vous la donne. De rien. Merci beaucoup, madame. De rien. Merci pour ce moment, Sabine. Je vais, à mon tour, te donner un mot. Ça sera autobus. Autobus. Oui. L'autobus. Quoi dire de l'autobus, si ce n'est qu'on peut raconter une histoire autour de l'autobus. Moi, j'ai rencontré une personne une fois... un petit peu la maligne, qui voyage aussi, qui voyage beaucoup, et qui un jour a voulu traverser devant un autobus, voilà. Uh-huh. Sauf que, vous savez, les espèces de zones de rangement d'autobus, d'un côté le trottoir, et d'un autre côté un petit bourrelet de macadam que cette personne n'avait pas vu. Hop, petite pirouette, jusqu'à faire, vous savez, le Boeing 737, en s'écrasant lentement sur le macadam. Là, alors, non, c'est... vraiment, c'était un crash. Un gros crash. Et la personne qui accompagnait cette personne, dont je tairai le nom, se retourne et fait « Bah, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je compte les cailloux, connard !» Voilà. Donc, cette personne, c'était toi oh qui est tombée. Oh, Sabine. C'était tellement bien décrit. C'est vrai, on s'y attendait pas. Hein. Voilà. Mm-hmm. Mais autobus, chute. Et le bus ne roulait pas. Bah, en tout cas, il est arrivé assez rapidement. Et il a t'as le temps de te relever ou il a freiné brusquement? Ils ont tous freiné, ouais, j'étais au milieu de la route, lamentable. Et en fait, tous les gens étaient à l'avant du bus à la fin. Oui, c'est ça. Personne t'a aidé. Non, mais même pas mon mec qui était tellement mort de rire, s'est barré en fait, m'a laissé au milieu de la route en train de compter mes petits cailloux. Stand by me. Ouais, stand by me. Ouais. Okay, ouais. Ah, il rirait moins si t'étais un tétraplégique ou je sais pas quoi maintenant. Non, je pense qu'il rirait toujours en vrai. Elle mange pas, il ferait l'avion avec la cuillère, sera un enfoiré en vrai. Ah ouais, mais il reste, mais il fait l'enfoiré. Ouais. Vraiment, l'amour, c'est vraiment beau. Putain. Putain. Encore une fois. Merci beaucoup pour cette... C'est pas des... Non, c'est là, pas c'était l'impro, pas une c'était impro, vraiment ouais, c'était une des histoires. Ça nous va bien. Parfait. Ouais, t'aurais pu éteindre... Excusez-moi, oui. Je suis désolée, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Face à ce non-respect des... J'essaye un nouveau jingle. Ah. Voilà, je te mets comme un carton rouge de okay. Buzzer, Sabine. Je suis désolée. Ah mais non, mais c'était dans l'émission, le bruit de sonnerie. Ah mince, excuse-nous. Ah, j'y ai vraiment cru parce que... comme j'ai c'est une vraie sonnerie. 33-10. Que... c'est ça, c'est le... je la remets pour qu'on soit bien sûr. Ah, 33-10. Ouais. Bah, Sabine, deux fois. Ah, désolée. Non, mais j'étais en train de jouer au Snake. Excusez-moi. Peux-tu nous expliquer le principe de cette chronique, Rodolphe ? Eh bien, nous allons chacun notre tour lire un des derniers messages qu'on a reçus. Ou envoyé, les deux autres vont devoir deviner à qui il était destiné ou qui nous l'a envoyé et quelle est l'histoire qui se trame autour de ça. Très bien. Faites-nous rêver. Je peux démarrer. Vas-y. Message envoyé. J'ai dit, n'hésite pas si tu as des photos. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est en fait... Pardon. C'est un journaliste d'un magazine People, parce qu'en fait, tu sors avec une star en ce moment, on ne peut pas dire le nom. Ah, on peut pas le dire. Surtout que c'est une personne qui a des problèmes avec ses enfants, qui est un peu en fin de vie, tout ça, donc on ne peut pas trop dire qui c'est. Et du coup, en fait, il y a un magazine People qui te fait qui te fait chanter, qui te demande du coup de l'argent. Et donc, tu as dit, oui, je vous envoie de l'argent. Et là, tu lui demandais, n'hésite pas si tu as des photos, parce que finalement, tu aimerais les avoir, les photos quand même. C'est un souvenir sympa. Alors, c'est moi qui envoie des photos et en plus je les veux. C'est pas très cohérent cette affaire. Rodolphe. Non, tu envoies pas des photos, c'est un journaliste qui t'a pris en photo, qui te fait chanter et tu n'écoutes pas ce que je dis. Pardon. Et toi, tu lui demandes, comme tu lui as envoyé la somme d'argent. Comme tu lui as envoyé la somme d'argent demandée, maintenant tu lui réclames quand même les photos. Oui. On n'est pas loin. Voilà, Sabine, as-tu une proposition de compréhension de ce SMS ? Envoie-moi les photos. C'est ça. N'hésite pas si tu as des photos. De ton dernier cours de yoga. Tu sais, le yoga nu, où on fait l'exposition de l'anus au soleil. Et il me semblait que tu m'avais dit que tu ferais un panel de photos pour développer justement cette activité. C'est parce qu'on a parlé d'épisiotomie que tu pensais à l'anus ? Direct. Quel enfer. Et il me semble que tu m'avais dit que tu enverrais des, enfin que tu ferais justement des photos pour faire ton book de yoga nu. Oui. C'était ça. Voilà. Bah bravo Sabine, c'est exactement ça. Non, c'est une amie qui vient de m'annoncer qu'elle avait eu le bonheur d'être maman et du coup, bah je lui souhaite toutes les félicitations, nanani nanana. Et quand même, à un moment, je lui fais oh, n'hésite pas si t'as des photos du petit. Donc je les embrasse. À moi, c'est un message que j'ai reçu qui dit 3 en 3 ans, c'est épuisant. 3 en 3 ans. Donc c'est quelque épuisant. Chose qui. Ah, 3 en 3 ans, c'est 3 enfants en 3 ans, c'est épuisant. Enfin, je veux dire, déjà 1. Enfin, c'est ça, c'est sûr. Est-ce que, physiologiquement, c'est possible 3 oh, on en voit 3. De tout, oui. Ah ouais, des d'accord. jumeaux et dans la foulée, ah oui, bim. Non, mais 1. En 3 ans, c'est possible. Ah, c'est chaud. Bah, moi, j'ai déjà connu des frères et sœurs qui n'avaient moins d'un an d'écart. Ouais. Donc, mais ça veut dire. Troisième, ouais. Wow. Bon, bref. Non, moi, je pense que c'est un de tes enfants qui. Alors, non, c'est 1. Bon, tant pis, on va dire qu'il a dit 1. Qui a des gros problèmes de drogue. J'ai dit 3 en 3 ans, c'était épuisant. Il n'y avait pas de. Ah oui, il y avait 3 en 3 ans, pardon. Waouh. Elle est fatiguée, Adam. C'est bien, on s'écoute tous ici, c'est cool. Donc, c'est l'un de tes enfants qui a des gros problèmes de drogue. Et tu as vraiment envie qu'il retourne en cure. Donc, t'insistes. Mais cet enfant est quand même majeur maintenant et s'oppose à cette décision et te répond. Non, mais attends, 3 en 3 ans, c'est beaucoup quand même, pas vrai. C'est épuisant. Voilà, c'est épuisant. Eh bien, non. Ce n'est pas ça, c'est une copine qui me dit. Bah, Sabine, que... elle ne fait pas de proposition Mais elle a fait une proposition, oui, elle a dit 3 ans. Ah, oui, pardon. C'est vraiment. En fait, c'est Julia qui est toute personne. Ouais. Je crois que merci. Je ne peux pas tout faire. La régie. Je propose qu'on fasse une émission qu'à deux. Hein. Oui, bah, on va faire ça la prochaine fois. Et du coup, c'est une copine qui est enseignante et qui me dit que ça a changé 3 fois en 3 ans de direction dans son établissement. Oui. Et du coup, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, tout se remet en place et elle est un peu épuisée à cause de ça. Ok. On comprend. On comprend. C'est à toi, Sabine. Moi, j'ai reçu. Oh, trop cool, moi aussi. Waouh, c'est tellement vague. Ouais. Mais attends. C'est une personne qu'on a invitée à Fadjet. Et comme toi, tu le dis à tout le monde qu'il faut écouter Fadjet pour écouter cette émission, tu es formidable. Et ben les gens, tu dis, ouais, je passe à Fadjet. Les gens disent, oh, trop cool. Mais tu l'as reçu 47 fois, ça. Trop cool, moi aussi. Ok. Moi, j'avais. Parce que je pense que tu fais des parties fines soirée week-end. Et du coup, là, tu fais une proposition à des amis pour une soirée à 6. Et t'es ravie de les inviter. Et du coup, l'une de ces personnes te dit ah ouais, cool, moi aussi. Ravie, quoi. Une partie fine à 6. Je suis assez déçue d'avoir été percée à jour aussi rapidement, mais effectivement, pour toute envie de partie fine, je vous propose de me joindre au 06. Non, c'est ma petite filleule avec qui je vais manger la semaine prochaine. Je dis, je suis contente de te voir. Elle me fait trop cool, moi aussi. Voilà. Ça n'a rien, ouais. Ouais. Ouais, d'accord. On a d'amour. C'est de l'amour. Je ne suis qu'amour. C'est magnifique. Elle aussi, tu lui parleras d'épisiotomie et de yoga de l'anus? Oui, elle serait en plus bonne candidate. Je pense que ça la ferait bien pousser. Oui. Ok, bon, mais c'est bon. C'est bon. Très bien. On va faire notre. Enfin, tu vas nous présenter ton deuxième choix musical. C'est un classique et je ne suis pas mécontente de la réentendre. Merci beaucoup, Sabine. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où des bras me serrent. J'irai où tu iras. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en boutant. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. J'irai où tu iras. tellement contente d'avoir entendu ce titre. Alors bon, au moins, si je perce pas dans l'humour, je sais que je pourrais me reconvertir dans l'imitation. C'était « J'irai où tu iras » avec Céline Dion et Gigi, Jean-Jacques Goldman. Oh yeah. Ça, c'est le délire de copine, quoi. On est plutôt fans de karaoké et on a toutes des voix toutes plus puissantes les unes que les autres. Voilà, donc c'est du karaoké de ouf avec mes pinko, mes BFF, best friend forever. Mais est-ce que c'est possible de faire un karaoké sans Céline? Je ne crois pas. Non. On l'appelle Céline même. D'accord, hein, c'est le Céline. Et même Jean-Jacques, hein, ça revient souvent quand même. Mais pas lui seul. Celle-là, elle passe vraiment dans tous les karaokés. Ouais. Bah, celle-là, en plus, les duos, c'est toujours plus sympa, les duos hommes-femmes, puisque ça, on peut chanter à deux, du coup. C'est tellement vrai ce que tu dis, putain. Mais j'ai déjà essayé de la chanter, c'est chaud quand même. Hein. Avec ma femme. Ah bah, elle a une voix. Elle a une non, mais moi, je chante pas à Céline, mais. Mais même lui, il a une voix très aiguë. Oui, il a une voix très aiguë, mais après, tu peux la mettre à ta voix, à toi, la chanson. Oui. Mais ça va vite. Ah oui, ouais. Ouais, mais. Mais bon. Très bien. Allez, on continue notre petite émission. Réseaux sociaux. Ah. Voilà, réseaux sociaux. nous aimerions que tu nous racontes ton rapport aux réseaux sociaux, le temps que tu passes dessus, voilà, la relation que tu entretiens avec ça, et par la même occasion, tu peux nous dire comment te retrouver sur les réseaux que tu utilises. Alors, les réseaux, je suis sur Facebook, enfin perso, Instagram effectivement aussi pour le stand-up. Je pense que je passe beaucoup trop de temps dessus pour ce que c'est. Mais pour ta com ou pour des bêtises? Pour des bêtises. Ouais. Après, pour la com, au début, je voulais pas trop. Et finalement, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une page où les gens peuvent retrouver les dates. Ouais. Donc, je comptais fortement sur mon mari René, qui m'avait dit qu'il prendrait le leadership. Excuse-moi, il s'appelle comment ton mari? Loïc. Ah, ça, il n'y a rien du tout. Mon mari, Loïc, ça marche moins. Non, ça marche pas. Ouais, ça marche moins. Mon mari, René, Loïc. Bon, ah, oh, pas mal. Devait prendre le leadership sur ça et être mon community manager. En fait, rien. Il n'en a rien à foutre. Il préfère rire de toi sur c'est le ça. Bitume du bus. C'est marrant comme cette émission a démarré avec plein d'amour. Ouais. Et le gars ça, se fait défoncer, mais toute la deuxième partie de l'émission. Mais après, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup? Oui, enfin, je l'aime bien, tu vois. Tu le supportes. Ouais. Tu vois, au bout de. Pardon, quelques Loïc. Années voilà mais oui donc voilà il m'a poussé vers les réseaux sociaux en tout cas pour ma communication sur le stand-up. Il te soutient dans tout ça? Ouais, non en vrai il est top, il vient avec moi sur quasiment toutes les scènes. Wow. Ouais. Et tu testes les sketchs avec lui? le pauvre ouais, non mais c'est un avis qui est intéressant quand même. Ouais mais il est sur le canapé tout seul et puis bah du coup je râle parce qu'il rigole pas forcément. J'allais te demander s'il était objectif. Bah ouais, en vrai ouais il est hyper objectif, mais après avoir entendu 750 000 fois la blague, effectivement il ne rigole plus. Ouais, mais c'est toujours très compliqué de toute façon quand il y a qu'une personne, parce qu'en plus il y a des gens, ils rient intérieurement, ça peut les faire marrer. Mais c'est un comme ça. Je râle. Et quand il voit la salle, hilar, il se permet de rire un peu ou il reste Non, il glousse volontiers. C'est un dindon. Nous sommes des dindons. Il glousse volontiers. Il est rigolo. Il a des bons retours. C'est chouette de l'avoir avec moi. Et ouais, il vient partout, quoi. C'est trop bien. Et pour revenir sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver où alors du coup? Eh ben, sur Insta, sur la page Sardine-8. Stand-up, voilà. Sardine stand-up, c'est ton nom de scène? Sardine, en fait, c'est... C'est pas à cause de l'odeur que je ramène du travail. Je pense qu'il y a un lien avec ton prénom quand même. Il y a un lien avec mon prénom. En fait, c'est juste la louloute d'un ami qui n'arrivait pas à dire Sabine. Ça s'est transformé en Sardine. Et depuis, tout le monde m'appelle Sa Sardine. Sa femme, tu veux dire, quand tu dis sa louloute, la louloute. Sa petite fille. Oui, d'accord. J'avais compris. C'est ça. J'ai tenté un trait d'humour, mais moi, je vois que... Non. Elle a 15 ans quand même, ouais. La louloute. Ouais. ah oui, donc c'est grâce à elle que La Sardine, quoi, ouais. Tu ne voyais pas garder ton nom? Je sais pas. En fait, Sabine, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec mon prénom. Ok. Ouais. Parce que personne s'appelle Sabine. Mais j'allais dire, c'est un peu générationnel. Le... Ah. des cinquantenaires qui s'appellent Sabine. Ah, oui, oui. Ah, ok, pardon. Et en fait, moi, je voulais m'appeler Julie ou Elodie. Ah, non, mais voilà, c'est Sabine horrible, il n'y a que ça. Bah, oui. Aurélie, Julie, Elodie, voilà, nos âges. oui, mais c'est vrai, mais tu peux aussi avoir un prénom qui n'est pas non plus un prénom tout à fait. Ouais, et Sabine, j'ai eu du mal avec ce prénom. Maintenant, c'est cool, mais Sardine, c'est quand même vraiment cool. Et en fait, vraiment, tout le monde m'appelle Sardine, quoi. Ok. Donc, Sardine, ça, c'était l'évidence. Donc sur Insta c'est Sardine, mais Facebook, ah oui, mais Facebook c'est plus privé, c'est pour privé, c'est privé. Ta vie d'avant, c'est ça, pour ma vie de quand on me connaissait pas. Moi je t'ai connue Sabine. Ouais. Je t'ai connue Sabine à Improdisiaque. Et alors? Bah t'as pas changé. Mais je te voyais pas beaucoup la première année. C'est vrai. Mais bon. Mais je suis... On peut quand même dire que tu m'as choisie comme marraine. On peut le dire. Mais tu l'assumes pas, on dirait. Si, c'était mon premier choix. Mais pourquoi au bout de 30 minutes d'émission seulement tu... C'était ton premier choix parce que certains autres avaient déjà été retenus, oui. Je Et non, parce qu'elle a été la deuxième à choisir. Ah, joli, ça c'est joli. Bref, nous allons écouter ton troisième choix musical. Je ne connais pas, donc je suis très contente de découvrir ça. Et tu nous expliques ensuite pourquoi. Public, vous écoutiez sur Fadjet Burning Love de Elvis Presley. Je le fais bien. Ouais. Bah oui. Ça, c'est une musique avec mon petit frère, pardon. En fait, quand on était petit, notre dessin animé préféré, c'était Lilo et Stitch. Et Stitch, vous savez, c'est une petite créature bleue venue de l'espace. Et son chanteur préféré, c'est Elvis Presley. Oh, ah oui, exactement. Je voyais pas le lien. Mais il a une banane et puis il joue. Il a le costume d'Elvis Presley. C'est ça. En fait, ça me fait mal au cœur quand tu dis quand on était petit, parce que moi, je l'ai connu, Lilo et Stitch, j'étais adulte. Ouais, bah ouais. Ouais, d'accord. On enchaîne. Jingle. Coup de théâtre sur Fadjet. On arrive sur la dernière chronique de l'émission, Sabine. Oh. Ah oui. J'ai failli mourir. Ah. C'est fini. C'est pas vrai. Quoi? Quoi? De honte. Ah. On ne parle pas pendant les jingles. Voilà, non, c'est une blague. Tu connais pas Thierry Ardisson ? T'as le droit. Raconte-nous un moment où tu aurais voulu ne pas être là, disparaître. Tu ris déjà. Il y en a tellement, en vrai, je suis une boule de honte. Mais une en particulier, celle-là, elle est quand même vraiment... celle-là, elle est un peu pépite. C'était lors d'un week-end d'intégration sage-femme. Ah, donc tu es adulte. Déjà, c'est une bonne indication. Ouais, je suis bien adulte. Et en fait, donc, je suis en deuxième année d'école et on organise donc, le week-end d'intégration pour les premières années. Ah. Donc dans un petit bled, dans un petit gîte dans les Vosges. Et donc bon, bah, y a des petits gages, des petits trucs comme ça. Enfin bref, et la soirée arrive et moi je me sens pas forcément très bien. Et je le dis tout de suite, je me suis quand même posé la question. En mode malade ? Bah ouais, pas bien, ouais, ah, okay. Pas bien en mode okay. Malade, mais tu vois, j'avais pas bu de coups. Ouais, ouais. Bon. Voilà. Non, mais en vrai. Ouais, t'avais un truc quand même. Ouais. Week-end d'intégration quand même. Bref, finalement, je passe même pas trop la soirée avec les copains. Je vais me coucher. Le lendemain matin, pas bien. Et là, pour faire le ménage, un copain me dit vas-y, en fait, rentre chez toi, quoi. Donc je reprends la voiture, sauf que j'avais fait du covoit avec une de mes petites collègues de promo. Et moi, donc, je suis une reprise d'études, donc j'avais un bon. 8 ans de plus. Pas loin, ouais, voilà, pas loin de 30 piges, quand eux ils en avaient 22. Quoi. Okay. Donc tu vois, il faut montrer un peu l'exemple. Bon, là c'était mort. Et je lui dis, est-ce que tu veux pas conduire ? Vraiment, je me sens pas. Elle me dit, en fait, je viens d'avoir le permis, je prends pas ta bagnole. Ah, bon, ouais. C'est tout. On prend la voiture pour rentrer sur Nancy. Mais en fait, il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence hein, sur la route des Vosges. Vous saurez qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça sur la 2x2 voies. Sauf que là, me prend une envie d'un petit vomito. Je lui dis, non mais l'enfer sur terre. Je lui dis, vas-y, trouve un sac, trouve quelque chose. Oh non. Qu'elle ne trouve pas, bien évidemment. Personne et n'a de sac comme ça dans sa dispo. Voiture, non. Donc, petit vomito dans la voiture. Non, mais sur toi Ah ouais, en conduisant, mais la totale. On s'arrête, on avait une pauvre petite bouteille d'eau. En vrai, la nana, moi je pense que je vomis à côté. Et mon petit binôme là, impec, tout, qui me sort la bouteille d'eau, qui commence à m'aider. Et j'avais pris des changes. Sauf que j'avais pas, pour le week-end quoi, sauf qu'en fait j'avais pas pris le bon sac et j'avais pris les affaires d'une copine qui est bien plus mince que moi. Donc en voulant me changer, je me suis retrouvée donc, sur une bande d'arrêt d'urgence. Pleine de vomi, avec un pantalon qui était trop court. Et en fait, je me suis mise à pleurer en disant « Oh non, j'ai trop pris de poids, ça va pas du tout !» C'est juste pas tes affaires. Non, c'est pas... Tu le sais que c'est pas tes affaires quand tu... Tu t'en rends compte tout de suite. Non, en fait, pas du tout. Et je repars en me disant... Elle a le même pantalon que toi ? En fait, c'était une copine qui avait voulu me filer un pantalon en me disant tu me diras s'il me va, enfin s'il te va. Et en fait, donc, du coup, il ne m'allait pas du tout. Je pensais vraiment que c'était le mien, un pantalon noir de base. Donc voilà. Donc je suis rentrée chez moi. En vrai, le cucu à l'air. Puer le vomi. Ouais, en vrai, ouais. Et la voiture a été sale. Non, je me suis vraiment très, très bien débrouillée. Bah, pour que ça soit sur toi. Ouais. Mais tu trouves que du coup, c'est une bonne option. Je n'ai pas abîmé mon automobile. S'il faut laver la voiture derrière, c'est pas très agréable. Oui, vaut mieux laver des fringues. Et en vrai, on a fait des stops. Ouais, c'était ouf. Hein. On s'est arrêté plusieurs fois. Il y a un moment, la pauvre me tenait le sac. J'avais le volant. Mais même après ça, elle s'est pas dit, tu sais quoi, c'est quand même mieux si je conduis. Non. Ah, elle a persévéré. Non, ouais, dans elle a persévéré, donc je prendrai pas ton auto. Donc je suis rentrée vraiment pas très bien. Lolo a rigolé en me voyant. René Loïc, tu veux dire. Mon René Loïc était tellement rigolo. Il rigolait encore. Bah oui, cheveux gras sur le front, j'arrive, j'étais blanche. Et en fait, je suis restée 48 heures au lit, c'était une intoxication alimentaire. Un truc que t'avais mangé là-bas. Ouais. Et t'es la seule à l'avoir eu. Non, mais en fait, après, j'ai su, parce que tu penses bien que quand il a fallu retourner à l'école, je faisais pas la maline du haut de mes 30 balais à me dire. La petite jeune. La vomi. La petite jeune qui. Elle avait tout raconté ? Non, en vrai, un ange, un truc de dingue. Elle a jamais rien dit. Ça a été notre secret jusqu'à aujourd'hui à la radio. Ah, c'est cool que tu révèles ça ici. Voilà. Merci. Ah, vous m'avez dit une honte. Franchement, celui-là, je l'ai réfléchi longtemps, mais c'est. Ouais. Voilà. C'est gênant. On a souvent dans les émissions, les invités nous racontent des choses qui sortent de leur corps. C'est ça. Ça fait 3 sur 4, quand même. C'est 3 sur 4, là. Les deux autres, c'était plus bas. Et plus jeune, quand même. Tu as encore contact avec cette jeune fille ? Ouais. Vous en secret, vous en reparlez, genre vous avez des clins d'œil, genre toi tu sais. Ouais, toi tu sais. Ouais, ouais, dis-lui d'écouter l'émission du coup. Oui. Et puis toutes les autres qui n'étaient pas là, il y a quelque chose à vous annoncer. Oh, c'est horrible. Ouais, t'es ouf celle-là. Très bien, merci ouais, Sabine pour ce très bon souvenir. Un très beau partage. Ouais. Moi je trouve que c'est un bon moment. Très beau. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Néanmoins, on a quand même encore un petit temps avec toi où tu vas pouvoir faire ta promo. Et ensuite, nous parlerons des autres spectacles visibles sur Nancy pour ce mois de février. Eh bien, c'est trop gentil, merci. Moi, pour le mois de février... Alors, je reprends mon agenda, elle a un listing de dates incroyable. Alors, notez bien, donc le 6 à Cholet, le 7... Non, je... Wow. Ah non, j'y ai cru. Non. Eh, le 6, je serai au BBC à Nancy. Cool. Le... Au moment de la diffusion de cette émission, en ce moment même. Tu y vas juste après. Absolument. Oui. Absolument. Ou alors, mon sketch, c'est l'émission au BBC. Tu vas être en retard. Ouais. Dépêchons-nous, tu vas être en retard. Oui, pardon. Alors, donc, du coup, le 6 au BBC, j'arrive. Le 16 au Close-Up avec François. Trop bien. Ensuite. C'est la première fois que tu retournes depuis ta victoire. Ouais. Ouais, j'ai la pression. Bah oui, de la pression de la gagnante. Ouais, grave. Mais bon. Moi, c'est bien comme pression. Moi, j'aimerais bien. Non, mais c'est trop bien. Les gens vont être trop contents de te retrouver. C'est clair. Ma maman, elle vient, vous savez ce qu'elle fait ? Elle imprime des photos de moi. Elle les distribue aux gens pour que je signe des autographes. Ah bon, bah ça y est, c'est la groupie quoi. Je suis tuée. Ouais. Elle a des t-shirts avec ma tête dessus. Non, mais elle vit son rêve là. Ouais. Ma fille est une star. Ouais, ma vie, ma fille, mon œuvre. Voilà. Bah, elle a raison. Elle a raison. Donc, bien si jamais vous voulez un autographe, n'hésitez pas à venir au Close-Up. Ma maman aura certainement des photos. Je vais en demander maintenant. On va te demander maintenant. Oui. Ok, hein, okay, super. Ouais. Et après, je crois, le 28. Le 28, je suis à la Cale, à Nancy aussi. Ouais, et nouvelle salle, c'est cool. Ouais. Et le 29, je joue à Metz. Il y a un 29 oui. Ouais, 2024. Cette année, ouais, il y a un 29. Oui, à l'antre du Saltimbanque, à Metz. Ah oui. Et le 11, j'ai oublié, je suis à Ettendorf et je fais une scène déguisée. Et je dois avoir un sketch en lien avec mon déguisement. Tu as bossé C'est le 11 février Non, mais c'est là. Hein. Ouais. Ok, c'est la tranquille. C'est dans la semaine. Ok. Tu as déjà préparé tranquille. Ça marche bien, c'est cool. Eh bien, on saura pas. C'est cool. Rodolphe, est-ce que tu as des spectacles à nous annoncer pour à venir ? Et je compléterai pour ceux qui n'ont pas été. Mais bien évidemment, Julia, ça c'est pour gagner du temps. J'ai bien vu. Alors, il y a le premier spectacle à la MJC Lillebonne du Split Impro. C'est des copains d'improdisiat qui ont créé cette troupe d'impro parallèle. C'est le 9 février, ça s'appelle What If Love. Le lendemain, à la MJC Pichon, il y a les Poissons Rouges, c'est nous les Poissons Rouges. On joue un spectacle qui s'appelle Carcéral sur le monde de la prison. Puis il y a une jam session où le public peut monter sur scène. Il y a le Close-Up le 16, mais tu en as parlé, Sabine. Le 17, il y a une soirée de spectacle d'improdisiaque, toujours à la MJC Pichon. Le 22 février, la Stan Cup, toujours à la MJC Pichon. Et c'est déjà pas mal. Toi, tu as d'autres choses, je crois, Julia ? Oui, le 10 février, il y a les Stanislas qui jouent à Bazin. Le 16 février, il y a le Tilt qui joue au Nirvana. Et les Impromptus le 1er mars. Donc, je le dis maintenant parce que l'émission de mars sera déjà passée. Et il y a le Stand-Up Comedy Club, le Comedy Club que je tiens avec Jérémy, qui se tiendra le 4 mars. Et Sabine sera notre invitée. Yeah. Mais tu ne l'as pas dit. Ah oui, je t'ai demandé les dates de février. Pardon, de février. Oui, bah en fait, parce que l'émission de mars sera le lendemain, donc j'en parle très maintenant. Bien, ouais. Et le 14 février, Saint-Valentin, il y a les Peps Impro au bar La Planta. Et il y a également les Comedy Club, donc la Cale, le BBC et le Planta Comedy Club. Vous pouvez retrouver les dates sur Facebook et Instagram, évidemment. Et Bien sûr, en fait, il y a David Sun qui fait une scène aussi au Sunset Comedy Club. C'est le petit théâtre qu'il y a dans la rue Saint-Dizier. Oui, oui. Rographe Non. Si, Saint-Dizier, en haut de la rue Saint-Dizier. Enfin, en tout cas, voilà, si vous voulez voir Davidson, c'est le Sunset Comedy Club. Et il est à Pichon aussi, très bientôt, en rodage. Le 24 février. Et ben voilà, donc si vous voulez voir Davidson, donc, très bon humoriste également. Il y a quoi faire. Ouais. Sur le mois de février et début mars, il y a de quoi faire, c'est cool. Exactement. Et ben, un grand merci, Sabine, d'avoir été notre invitée pour cette émission. Ben, merci On était vous. Ravis. C'était trop cool, merci. Merci à toi, c'était génial. Et... Comme moi. Tu peux râler pendant 3 secondes, là, vas-y. Ah oui. C'était c'est quoi ce parking devant, en fait, on en parle, ouais. 2 heures pour pouvoir se garer avec un parking de 3 places, super, c'est magnifique. Enfin, ça me saoule. Salut JV, salut, c'est trop long. Au revoir Sabine. Au revoir. Et ben Rodolphe, merci à toi. Merci Julia et bonne soirée tout le monde, à bientôt. Ciao ciao, bisous.